se retrouvera. On se retrouvera, Francis Lalanne sur RGM. Un petit peu plus de 8h36 et on parle tout de suite anniversaire avec ceux qui sont nés un 8 août 1935, naissance de Donald Belisario, auteur, créateur et producteur de séries télé américains. Son nom ne vous dit rien, mais vous avez au moins vu une fois l'une de ses séries, c'est obligé. Connu pour avoir créé Magnum, Supercopter, Code Quantum, JAG ou encore NCIS Enquête Spéciale. 1937, naissance de Dustin Hoffman, acteur américain, vu dans le lauréat dans le rôle de Benjamin Braddock, Kramer contre Kramer dans le rôle de Ted Kramer, rôle qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar du meilleur acteur, Redman dans le rôle de Raymond Babbitt, Oscar du meilleur acteur, Hook ou la revanche du capitaine Crochet dans le rôle du capitaine Crochet, des hommes d'influence, Jeanne d'Arc, Mon beau-père, mes parents et moi, Mon beau-père et nous dans le rôle de Bernie Fokker, The Holiday où il interprète son propre rôle et il est la voix originale du personnage de Chifou dans Kung Fu Panda. 1944, naissance de Bernard Ménez, comédien français vu entre autres dans L'Avare, Laisse tes mains sur mes hanches. L'amour dure 3 ans à la télévision dans Sous le soleil dans le rôle de Marbalo et on a pu le voir récemment dans le rôle de Philippe Lazzari dans la saga de TF1 Demain nous appartient. 1947, naissance de Larry Wilcox, acteur américain connu pour le rôle de l'officier John Baker dans la série télé Chips. 1949, naissance de Keith Carradine, acteur américain vu à la télévision dans la série Les Sauvages dans le rôle de Nick Savage, esprit criminel, Dexter dans le rôle de l'agent spécial Frank Lundy, Numbers, The Big Bang Theory ou encore Fargo. 1951, naissance de Martin Brest, réalisateur producteur américain, réalisateur du Flic de Beverly Hills, Midnight Run, Le Temps d'un Week-end, Rencontre avec Joe Black, producteur de Midnight Run, Le Temps d'un Week-end et Rencontre avec Joe Black. 1953, naissance de Don Most, acteur américain connu pour son rôle de Ralph Malph dans la série Happy Days. 1955, naissance de Bronze Cambridge, monde d'acteur américain vu au cinéma dans Le Roi Scorpion, à la télévision dans Magnum, Charmed, ou encore Chicago Med, mais surtout connu pour son rôle de Bobby Sixkiller dans la série Le Rebelle. 1958, naissance de Francis Lalanne, chanteur français. 1961, naissance de The Edge, guitariste britannique du groupe U2, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Song for Someone. Not spoiled by beauty, I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light you can always see, and there is a world we can always be. If there is a dark that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is... Voilà pour l'extrait de U2. On continue les anniversaires et on va rester en chanson puisqu'en 1962, c'était la naissance de Ralph Richerman, musicien américain du groupe Scorpion entre 1992 et 2004. Il a notamment joué sur le titre Under the Same Sun, dont on écoute tout de suite un extrait. I saw the morning, it was shattered by Voilà pour l'extrait des Scorpions. Allez, on continue. 1964, naissance de Gilles Verdez, journaliste, chroniqueur télé-radio et également écrivain français. 1966, naissance de Patrice Letellier, escrimeur français, qui fut médaillé d'or au fleuret par équipe aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney. Au championnat du monde, il compte deux médailles d'argent et une de bronze, toutes remportées par équipe. 1967, naissance de Lee Unkrich, réalisateur américain des studios Pixar, à qui l'on doit Toy Story 1, 2 et 3, Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo ou encore Cars. 1970, naissance de Pascal Duquesne, acteur belge atteint de trisomie 21, connu pour avoir joué le rôle de Georges dans le film Le Huitième Jour, d'ailleurs récompensé au Festival de Cannes par le prix d'interprétation masculine, vu également dans Mister Nobody ou encore Le Tout Nouveau Testament. 1973, naissance de Scott Stapp, musicien-chanteur américain du groupe Creed, dont on écoute tout de suite un extrait du titre One Last Breath. Voilà pour l'extrait du groupe Creed. 1976, naissance de Joshua Scott Chases, chanteur américain qui fut membre du groupe NSYNC, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre « Bye Bye Bye ». Voilà pour l'extrait des NSYNC. Allez, on continue, on a encore pas mal d'anniversaires. On reste en 76 avec elle. Également la naissance de Toni Cypress, actrice américaine, connue pour son rôle de Simone Deveau dans la série télé Heroes, vue également dans les séries House of Cards, Supergirl ou encore Blacklist. 1980, naissance de Michael Urey, acteur américain, vu et connu pour son rôle de Mark St. James dans la série Ugly Betty, et vu également dans les séries Modern Family ou encore The Good Wife. 1981, naissance de Bradley McIntosh, chanteur, acteur américain du groupe S Club 7, vu dans la série du même nom, et ils sont connus notamment pour leur titre Don't Stop Moving. Petit extrait. Yeah, come on. Got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world, but tonight's the right situation. Don't get left behind. I can feel the music moving through me everywhere. Ain't no destination, baby, we don't even care. There's a place to be if you need the right education. Voilà pour l'extrait des S Club 7. On reste en 81 avec également la naissance de Megan Good, actrice américaine vue dans Street Dancer dans le rôle de Beautiful, Saw 5, Shazam, la série télé Cousin Skeeter dans le rôle de Nina ou encore quelques épisodes de Ma Famille d'abord dans le rôle de Vanessa. Et c'est également l'année de naissance de Roger Federer, joueur de tennis suisse professionnel depuis 1998, qui a été numéro 1 mondial bien évidemment pour la première fois le 2 février 2004. Il a remporté 8 fois Wimbledon, 6 fois l'Open d'Australie, 5 fois l'US Open, 1 fois Roland Garros. Aux Jeux Olympiques en simple, il compte une médaille d'argent et une médaille d'or en double. Il a remporté une Coupe Davis, c'était en 2014, après avoir battu la France en finale. Il a également remporté 3 Hopman Cup en 2001, 2018, 2019. En tout, il a gagné 102 titres ATP, dont 26 tournois majeurs et 28 Master 1000. Rien que ça. 1986, naissance de Katerina Bodarenko, joueuse de tennis ukrainienne. Plutôt une joueuse de double, qui a d'ailleurs été numéro 9 mondial en 2008, qui a gagné une fois l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon. C'est également l'année de naissance de Peyton List, actrice américaine, connue pour son rôle de Lucy Lane dans la série télé Smallville, son rôle d'Alexa Encott dans Les Experts Miami et Les Experts Manhattan, vu dans Les Frères Scott, Mad Men, Hawaii 5-0, Flash dans le rôle de Golden Glitter, Gotham dans le rôle de Poison Ivy ou encore Colony dans le rôle d'Amy Leonard. 1987, naissance de Pierre Boulanger, acteur français vu dans Nos 18 ans, dans le rôle de Richard, Arrête de pleurer, Pénélope, ou encore à la télévision dans Camping Paradis ou encore Section de recherche. C'est également l'année de naissance de Katie Leung, actrice écossaise connue pour son rôle de Cho Chang dans la série des films Harry Potter. 1988, naissance de Béatrice D'York, princesse britannique, fille d'Andrew D'York et de Sarah Ferguson. 1998, naissance de Shawn Mendes, chanteur canadien qu'on écoute dans quelques secondes. En 2000, décédé Gilles Thibault, auteur-compositeur français, co-auteur du titre Comme d'habitude pour Claude François, auteur également pour Johnny Hallyday ou encore Michel Sardou. Allez, on écoute tout de suite Shawn Mendes avec son titre In My Blood. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. In My Blood, Shawn Mendes sur le 107 FM. Un peu plus de 8h52, il est temps pour nous de parler météo. La météo. Alors, à l'heure actuelle, on en a un petit peu pour tous les goûts. On a soit du brouillard, soit des nuages, soit un petit peu de soleil. Et sinon, le brouillard et les nuages vont se dissiper tout au long de la matinée pour nous laisser le soleil. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés prévus pour cet après-midi. Vendredi, ce sera plutôt mitigé, alternance d'éclaircies et de pluie. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 29 et 31 degrés prévus pour demain après-midi. Et samedi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 21 et 22 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Un mot de basket avec le deuxième match de préparation pour le mondial pour notre équipe de France. Et les Bleus se sont imposés face à la Tunisie, 94 à 56. Meilleur joueur du match, Rudy Gobert, 12 points, 2 passes et 5 rebonds. Et hier, nous avons appris le forfait de Thomas Hurtel, qui est obligé donc de déclarer forfait pour les championnats du monde. Un mot de tennis maintenant avec le Rogers Cup à Montréal. Et nos trois Français se sont qualifiés hier. Richard Gasquet s'est qualifié en 3-7 face à Kei Nishikori, 6-7, 6-2, 7-6. Gaël Monfils s'est qualifié en 2-7 face à Ivashka, 6-3, 7-6. Et Manarino qualifié en 2-7 face à Coric, 6-2, 6-1. Nadal a eu du mal, mais s'est qualifié en 2-7 face à Evans, 7-6, 6-4. Dominic Thiem s'est qualifié en 3-7 face à Shapovalov. Fonini, Medvedev sont qualifiés tous les deux en 2-7. Et à noter les éliminations en 3-7 de Tsitsipas et de Stan Wawrinka. Aujourd'hui, Gaël Monfils, affrontera Urkaz. Manarino sera opposé à Fonini et Gasquet à Bautista Agut. Il y aura également Cilic face à Thiem. Nadal opposé à Peya. Medvedev affrontera Garin. Alexander Zverev, lui, affrontera Basilashvili. Et enfin, Kachanov sera opposé à Oger Aliassim. Et enfin, un mot de football. Transfert, c'est bientôt la fin. Et hier, on a appris le transfert de Djibril Sissé. Sidibé, il quitte Monaco pour Everton où il va être prêté pour un an. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale, tube de l'été, vous en avez l'habitude. Et on va en 2004 avec Terrio et le titre Chupeta. Vem, vem, vem, vem, vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui. Por favor, né? Peraí, essa chupeta é minha. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamãe. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Chupeta, tube de l'été 2004. Il est presque, enfin, il est un peu plus de 8h58, presque 9h, comme vous voulez. En tout cas, c'est l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, à 9h, la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, vous retrouverez Tanguy avec Clip Clap, on tourne. 17h, regarde ailleurs. 23h, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.